بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le sujet à la base donc du cours de la conférence, ça devait être la vie de notre mère Aïcha, Khadija radiallahu anha. Donc après réflexion, j'ai pensé à changer le sujet, même si j'ai mis du temps à me dire pourquoi est-ce que je pourrais changer de sujet alors que c'est la vie de notre mère Khadija radiallahu anha, qu'il y avait une sorte de manque de respect dans le fait de changer le titre et de délaisser la vie de notre mère Khadija radiallahu anha pour passer à autre chose. Donc à la base, ça devait être la vie de Khadija radiallahu anha. Or, j'ai envoyé des messages, etc., en disant que le sujet de notre cours aujourd'hui, c'est le lien existentiel. J'avais pas mis ce mot-là dans le titre, mais c'est le bon. Le lien existentiel qui existe entre la aqida, donc la croyance, on va développer qu'est-ce qu'est la aqida, et al-sharia, la législation. Il faudra aussi notamment développer ce terme qui a été bafoué aujourd'hui. Donc le lien existentiel qui existe entre la aqida, la croyance, et al-sharia, la législation. Et ce sujet, il est d'une extrême importance, il est très important, car aujourd'hui, certaines catégories essaient justement de faire croire qu'il y a une possibilité de dissocier la aqida et la sharia, la croyance, et la législation dans notre propre religion qui est l'islam. Or, chose, comme on va le démontrer, qui n'est pas possible. Il ne peut y avoir aqida sans sharia, et il ne peut y avoir sharia, législation sans aqida, sans croyance. Donc il est du devoir de la personne à qui il est octroyé, alhamdoulilah, une chair pour pouvoir parler aux croyants, hein, d'essayer de voir qu'est-ce qui est le plus important à réguler, voire à réformer dans la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Les sujets sont divers aujourd'hui. Et les gens qui parlent de la vie de Khadija radiallahu anha ou d'autres épouses du prophète alayhi salatu wassalam ne manquent pas. Et je ne veux pas à travers cela prétendre que je suis quelqu'un qui fait partie de ceux qui évoquent les sujets sensibles ou autres, mais il est certain que ceux qui parlent de aqida sont extrêmement minimes. Or, le sujet, le domaine le plus important qui doit être préservé dans notre communauté, c'est justement tout ce qui est en lien avec la croyance. Or, aujourd'hui, on parle beaucoup du droit du voisin, on parle beaucoup de l'éducation des enfants, comme nous l'avons fait le mois dernier. Nous parlons beaucoup du comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Or, le combat, la bataille qui a lieu depuis la création de Adam alayhi salam ainsi que celle d'Iblis a lieu au niveau de l'aqida et non pas du reste des choses qui relèvent du comportement, etc. Car la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain, c'est son adoration. C'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez tous le verset « Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun » « Je n'ai créé les génies et les hommes seulement pour qu'ils m'adorent ». Cet univers-là, ces cieux, ces terres, ces océans, ces végétaux, animaux ont été mis en place pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit adoré. Pour que l'être humain voue un culte exclusif à son Seigneur, à son Rabb, à son Ilah, Allah subhanahu wa ta'ala. Et en périphérie de cela, la personne va avoir un comportement, va se marier, va commercer, etc. Et notre législation, couvrant tous les domaines de la vie, va lui dire de comment se marier, comment commercer, comment se comporter, etc. Or, la faille dans le comportement, la faille dans la manière de commercer, la faille dans le comportement avec les parents, la faille dans l'éducation des enfants, de manière générale, n'aura pas pour conséquence que la personne s'éternise dans les flammes de l'enfer. Or, la faille dans la aqida, et notamment dans le tawhid, aura pour conséquence que la personne perde, donc dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et c'est une personne qui risque donc d'échouer dans l'autre monde et qui fera partie donc des habitants de l'enfer. Pour ça que tous les prophètes, sans aucune exception, sont venus avec le tawhid, sont venus avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si leur législation, et on va y revenir, était diverse. Leur shara'i', qui est le pluriel de sharia, était diverse. Ce qui était illicite pour certains partisans de tels prophètes pouvait être licite pour d'autres. Ce qui est illicite pour nous pouvait être licite pour d'autres, ou bien le contraire, ce qui est licite aujourd'hui pour nous était illicite pour les juifs, par exemple de Ben Israël. Or, la aqida, de Mohammed alayhi salatu wassalam est la même que celle de Moussa, de Isa, de Nuh et montée jusqu'à Adam alayhi salam. Donc le tronc commun de tous les prophètes alayhi salatu wassalam, c'est la croyance et non pas la législation, la deuxième partie, donc que l'on va aussi développer, est sharia. Or aujourd'hui, certains par trahison et d'autres par souci de confort ne parlent pas de la aqida. Car nous avons dit que le combat, la bataille qui existe, car certains aussi ne sont même pas au courant qu'il y a combat aujourd'hui, la bataille a lieu au niveau de l'idéologie, au niveau du dogme, au niveau de la aqida. Et ce combat, tu peux lui donner plusieurs titres. Mais les unités composant chaque camp, on ne peut pas diverger au niveau des unités qui composent chacun. Certains vont dire que c'est le combat entre le bien et le mal. C'est vrai. Le combat qui a lieu depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam et qu'il a été sorti du paradis, qu'il a été descendu sur terre, c'est le combat entre le bien et le mal. Mais qui est le bien? Est-ce que le bien, c'est tous ceux qui donnent à manger aux orphelins, qui prennent soin des veuves, qui construisent des puits en Afrique et qui vont planter des tomates dans les villages? Ou bien ce sont et seulement les musulmans? Et dans le mal, on met tous les non-musulmans, toutes religions comprises. La réponse est la seconde. Certains diront, c'est le combat entre la justice et l'injustice. Donc le bien et le mal, on va dire, c'est Al-Khayr et Al-Shar. Donc qui est le bien? Les musulmans. Qui est le mal? Tous les non-musulmans. Tous les non-musulmans. Tous les koufars. Mais le mot koufar ici, va créer, comme il est mal défini encore chez les musulmans, il va créer une zone de trouble. C'est tout ce qui n'est pas musulman, tout ce qui n'est pas islam. Dans le mal, il y aura le christianisme, le judaïsme, la démocratie, la laïcité, le communisme, le marxisme, le libéralisme, tout ce qui n'est pas islam. On peut donner un autre titre, c'est le combat entre la justice, al-adl, et aussi l'injustice, al-dhulm. Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna Allah ya'muru bil-adl. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne la justice. Et aussi, il interdit le dhulm. Dans le hadith Qudusi, le très long hadith divin, Ya ibadi, inni harramtu dhulm ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, j'ai rendu l'injustice interdite à moi-même et je vous l'ai rendue interdite entre vous. Donc ne vous faites pas injustice les uns les autres. Donc certains diront, c'est le combat entre la justice et l'injustice. Qu'est-ce que la justice? C'est encore la même composition que le bien et le mal. La justice, c'est les musulmans et l'injustice, c'est tout ce qui n'est pas musulman. Mais pour être plus clair et pour qu'il n'y ait aucune confusion dans la tête d'aucun, on dira que c'est le combat entre l'islam et l'kufr. C'est le combat entre l'islam et la mécréance qui existe donc depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam. Même si la mécréance en termes d'associationnisme n'existait pas à l'époque d'Adam alayhi salam. Le shirk est entré dans l'espèce humaine à l'époque de Nuh alayhi salam. Comme vous savez, Iblis a exhorté les gens à adorer 5 pieux, Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'uq et Nasr, qui étaient des gens donc d'une certaine piété. Lorsqu'ils sont morts, Iblis a dit donc de mettre à l'endroit de leur tombe une pierre, un signe, afin de se commémorer ces gens-là. Et ensuite, il n'a cessé d'attirer les gens jusqu'à ce qu'il les a poussés à adorer ces gens-là. Et c'est la première donc forme d'associationnisme qui est entrée dans l'humanité. Auparavant, il n'y avait pas de shirk. Il y avait des boissons interdites qui ont été bues, peut-être des nourritures illicites qui ont été mangées, des désobéissances qui ont été faites aux parents, des meurtres, comme ça a été le cas de Qabil qui a tué son frère Habil. Mais toutes ces désobéissances à Allah ne relevaient pas donc du kufr. Mais la guerre était déjà une guerre entre l'islam et le kufr, l'islam et la mécréance, car Iblis existait à l'époque de Adam et existait durant toutes les époques ainsi que ses armées jusqu'à la première apparition du shirk, et son objectif était de faire apparaître le shirk même avant qu'il n'apparaisse à l'époque de Nuh, mais il n'y était simplement pas arrivé. Donc le devoir des savants, le devoir de celui qui a un minbar, le devoir de celui à qui on octroie une chaise pour qu'il parle, c'est d'aller droit au but et d'évoquer ce qui relève du salut donc de l'humanité, qui est donc que les gens restent musulmans. Que les gens restent musulmans. Et Iblis, dans son combat pour faire dévier les gens du droit chemin, il passe par deux notions. La première, qu'on appelle al-shahawat, qu'on va traduire par les passions. Et la seconde, c'est al-shubuhat, qu'on va traduire par les ambiguïtés. Al-shahwa, c'est une forme qu'utilise Iblis d'armes, c'est une arme qu'utilise Iblis. On se rappelle, il y a combat, donc il faut des armes. Quelles sont les armes d'Iblis? Ce sont ces deux armes-là. Al-Shahwa et Al-Shubha. La Shahwa, c'est ce qui relève de la passion. Nous avons des choses ancrées en nous, une nature qui a un penchant vers l'argent, un penchant vers les femmes, un penchant vers le pouvoir, un penchant vers le matériel. Ça, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans l'être humain. Iblis va utiliser ce penchant que nous avons pour nourrir la shahwa et nous amener à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une première arme. La seconde, c'est ash-shubha, c'est l'ambiguïté. Et c'est souvent de faire vêtir au faux un vêtement, donner au faux un vêtement de vérité. Et la personne, lorsqu'elle va tomber dans la shubha, elle ne sait pas qu'elle est dans le faux. Et souvent, lorsqu'elle va tomber dans la shubha, elle va tomber dans ce qu'on appelle al-bid'ah, l'innovation. Et celui qui va tomber dans la shahwa, il va tomber dans al-ma'asiyah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, disait al-bid'atu sharrun min al-ma'asiyah. L'innovation est pire que la désobéissance. Car celui qui boit du vin, il ne s'appuie pas sur une preuve pour boire le vin. Il boit le vin et c'est à ce moment-là qu'il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'une personne vient lui dire « Ittaqillah, crains Allah, ne bois pas le vin », si c'est quelqu'un qui à la base a encore un peu de croyance, il baisse la tête et il dit « Inch'Allah, Allah yafou alina, qu'Allah nous pardonne ». Or, celui qui est dans la bid'a, dans la shubha, il s'appuie sur des versets du Coran ou bien des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam pour arriver à la finalité donc de son idéologie ou bien de l'adoration qu'il pense être une adoration, qui en réalité est une innovation. Et lorsqu'on lui dit que ce qu'il fait n'est pas conforme à la législation, à ce moment-là, il sort ses arguments et il pense qu'il est en train donc de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est en train d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de ce point de vue-là, la bid'a est pire que la ma'asiyah en termes de famille, d'espèce, de type. Mais la ma'asiyah qui consiste à avoir un rapport sexuel avec sa sœur est moindre que la bid'a qui consiste par exemple à lever les mains après chaque prière pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en termes de type, la famille des bid'a est pire que la famille donc des ma'asi. La famille des innovations est pire que la famille des désobéissances, car celui qui désobéit sait qu'il désobéit et il se peut que prochainement il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala en se repentant. Or, celui qui est dans la shubha, dans l'innovation, il est sincèrement là-dedans et recherche son Seigneur, mais il est dans l'égarement. C'est comme quelqu'un qui a pris une carte routière à l'envers et qui va dans la mauvaise direction. Et lui dire qu'il se dirige dans la mauvaise direction n'est pas suffisant. Il faut lui montrer que la carte est à l'envers. C'est pour ça que lorsque l'on discute avec quelqu'un qui a une shubha, il ne faut pas discuter sur ce qu'il fait, mais sur ses fondements et ses sources. Et ça, c'est un autre sujet. Donc notre sujet aujourd'hui, c'est un sujet qui ne relève pas donc du premier domaine, qui relève de la ma'asiya. Les gens donc ne seront hors de ce qui va être impliqué par notre conférence aujourd'hui, notre cours, à leur insu. Ils ne sauront pas qu'ils sont en train de vivre selon une scission de la législation et de la aqida. Et ceci est dû justement au fait qu'ils n'ont pas la science requise, qu'ils n'ont pas la science de ce qu'ils possèdent en termes de religion, et n'ont pas la science non plus pour voir l'attaque donc qui vient du camp, qui est du camp de la mécréance, du camp des mécréants, et qui consiste à vouloir détruire l'islam au niveau individuel ou communautaire. Donc la personne ne va pas voir que c'est une shubha si jamais elle n'est pas armée en science. Et on revient donc à la plupart des discours aujourd'hui, ce sont des discours en lien avec les ma'asi, avec les péchés que l'on trouve. Pour ça que l'auditoire se retrouve dans ce que l'on dit. Donc il y a la partie qui n'est pas dans ce péché-là et qui est tranquillisée et qui ne se sent pas victime lorsque l'imam parle parce qu'il est en train de parler de fornication. Or lui sait qu'il est marié, donc il ne fornique pas, ça ne le concerne pas. Et celui qui est en train de forniquer pendant donc la khutbah del Jumu'ah, pendant ces paroles-là, il sait qu'il est dans une période où il fornique, c'est-à-dire il a forniqué dans les jours qui passent ou les mois, et il est encore avec une dame avec qui il a des rapports, il baisse la tête et demande à Allah de le pardonner s'il fait partie des gens du bien. Or, quand on parle de shubuhat, lorsqu'on parle de shubuhat, beaucoup ne voient pas où est-ce qu'on veut en venir. Parfois parce que la shubha a pris place, et aussi ça prend du temps, ça demande des cours, ça. Ça demande des cours. Or aujourd'hui, l'arme principale, et même de tout temps, c'est la shubha. Et notamment aujourd'hui avec le projet d'Islam de France qui est en train de prendre naissance, ils n'ont pas dit mécréance de France, ils n'ont pas dit judaïsme de France, ils ont dit Islam de France. C'est amené à un islam qui n'en est plus un, dépouillé justement de la législation, et non pas de la croyance, même si en réalité c'est dépouillé de la croyance, car on a dit lien existentiel, on va le démontrer. Mais on ne va pas t'amener à dire que je suis un mécréant. L'objectif ce n'est pas t'amener à l'église. L'objectif ce n'est pas t'amener à ce que tu sois dans une synagogue un jour. L'objectif c'est que tu fréquentes toujours la mosquée, que tu pries 5 fois par jour en étant mécréant. Chose qu'aujourd'hui ou encore beaucoup de musulmans n'arrivent pas à comprendre. C'est que tu perds ton islam parce qu'il a été dépouillé d'une composante, aux composantes qui relève de l'existence même de l'islam. Tout comme une porte mise sur le bon coin à vendre n'est pas une voiture, c'est une porte. Tout comme une roue mise à vendre sur le bon coin, ce n'est pas une voiture, c'est une roue. C'est arriver à un minima d'éléments qui font partie à la base de la voiture qu'on pourra dire c'est une voiture. Tant que tu n'es pas arrivé à un minima d'éléments composants de la voiture, tu dois la mettre dans pièces détachées. Et tu peux raisonner sur tout ce qui existe dans le monde. Or, dans l'islam, aujourd'hui, des gens se permettent de faire ce qu'ils veulent. Et se permettent de bafouer la composante même de l'islam en faisant croire qu'il peut y avoir aqida, donc croyance, sans sharia, sans législation, ce qui est faux. Donc, quelle va être l'arme utilisée, ou plutôt laquelle soldat, pardon, parce que l'arme, on l'a définie, quel va être le soldat? Ça va être le soldat crédible. Le mécanicien a des chances de faire croire à une personne lambda qu'une roue est une voiture. Un médecin hautement diplômé a des chances de faire croire à un citoyen lambda qu'un scalpel est un hôpital. Et quelqu'un qui a une étiquette d'imam a des chances de faire croire à des musulmans qui ne connaissent pas leur religion comme il se doit, et ce qui est le cas aujourd'hui des musulmans de France, qu'une aqida sans législation est de l'islam. Il est capable de faire croire qu'une croyance sans législation est de l'islam, ce qui n'est pas le cas. Donc on va utiliser des gens qui se prétendent musulmans. On va utiliser des gens, on n'a pas besoin de citer de nom, qui se prétendent musulmans, que l'on va déclarer imam, représentant de certaines instances, et ce sont eux qui, dans ce terrain aujourd'hui semés de l'ignorance de l'auditoire musulman, vont se permettre des choses et vont permettre de faire croire qu'on peut faire un foot sur un terrain de tennis, qui vont faire croire qu'on peut faire de la natation sur une piste, sur une patinoire de patins à glace. Et ils font croire aujourd'hui dans les mosquées des choses qui sont bien plus, et je n'exagère pas, quand je dis ces métaphores, qui consiste à dire qu'on est en train de faire croire aux musulmans qu'on peut nager sur une patinoire ou bien faire un foot sur un terrain de tennis. Je jure au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que le discours de certaines personnes aujourd'hui représentant les musulmans, officiellement ou officieusement, est bien plus absurde. Mais qu'est-ce qui va permettre de réfuter qu'on ne peut pas faire un foot sur un tennis, sur un terrain de tennis? C'est la connaissance du terrain de tennis, c'est la connaissance du foot. Qu'est-ce qui va permettre de réfuter le fait qu'on ne peut pas nager sur une patinoire? Ben c'est la définition de la patinoire. La patinoire, c'est solide. La natation, ça demande un élément liquide. Il y a contradiction entre ces deux choses-là. Donc, une critérisation solide du foot et du tennis permettra de réfuter cette choubha-là, qui va être une choubha pour un autre. Il ne sait pas ce que c'est le foot. On peut aller dans un pays qui n'a jamais connu le foot et mettre un filet de tennis, leur donner des raquettes et leur dire « ça, c'est du foot ». Un jour, ils rencontreront une civilisation qui a joué au foot et ils se disputeront qui a raison. Qui a raison? C'est ceux qui, à la base, avaient mis en place le foot. De même, qui a raison dans l'islam? C'est ceux qui se fondent sur le Coran et la Sunna pour définir justement qu'il y a obligatoirement aqida s'il y a sharia et il y a sharia s'il y a aqida et donc il y a lien existentiel. Et ça, c'est un sujet parmi d'autres. Mais Allahu a'lam, ce sujet-là, c'est un des sujets qu'il faut développer aujourd'hui pour éviter, Inch'Allah, d'arriver au projet d'apostasie de masse qui se prépare. Hein? Mes phrases sont crues, brutales, mais c'est une réalité. Il y a un projet d'apostasie de masse qui se prépare pour les musulmans de France. Et je dis bien, ce n'est pas une apostasie donc de choix. Elle se fera de choix parce que la personne fera les paroles et actes consistant son apostasie, mais ça ne se fera pas en ouvrant une porte vers le judaïsme et en se convertissant au judaïsme, ou bien en ouvrant une porte vers le christianisme, en mettant une croix autour de son cou et en allant tous les dimanches à la mosquée. Non, ce seront des gens qui vont à la mosquée, qui font le hajj une fois dans leur vie et qui ne seront pas musulmans. Dans quel sens? On va le développer avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le titre, c'est le lien existentiel entre la aqidah, la croyance, et la sharia, la législation. Donc qu'est-ce qu'à la aqidah? On entend beaucoup ce mot, ce terme, la aqidah. Ça, c'est un frère, elle a une bonne aqidah, ça. Hein? T'as une aqidah sahiha, t'as une aqidah salafia. Je prends des cours de aqidah. Qu'est-ce que al aqid? Al aqidah, dans la langue arabe, et ça, on va vite passer, c'est pris de al aqd. Al aqd, c'est le fait de faire un nœud. C'est le fait de faire un nœud en pliant une ficelle, donc d'une extrémité à l'autre, et en la faisant tourner, comme vous le savez. Ce sens linguistique-là, il comporte, donc en arabe, eshidda, la fermeté. Et el-luzum, la permanence. Il n'y a nœud que si jamais c'est quelque chose qui reste de soi-même. Pour le défaire, il faut qu'il y ait une intervention physique. Un nœud, tu le poses, tu reviens dans 100 ans, il est toujours présent. Pour le défaire, il faut qu'il y ait une intervention. Donc sa fermeté, sa permanence doivent être présents pour qu'il y ait aqd dans le sens linguistique. La aqida, dans le sens législatif, c'est les six piliers de la foi, qui sont cités donc dans la deuxième étape du hadith de Jibril. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a été questionné par Jibril, mal islam, qu'est-ce que l'islam? Et le prophète a répondu par les cinq piliers. Ensuite, il lui a dit, akhbirni anil iman, informe-moi au sujet de la foi. Et il l'a informé au sujet des six piliers de la foi, qui sont al-iman billah, la croyance en Allah, wa malaikatihi, et ses anges, wa kutubihi, et ses livres, wa rusulihi, et ses messagers, wal yawm al-akhir, et le dernier jour, wal qadari khayrihi wa sharrihi, et la prédestination bonne ou mauvaise. Ça, c'est la aqidah. On vient au sens linguistique, il ne peut y avoir aqidah que si c'est une croyance, une contraction, un contrat qui a été fait dans le cœur à 100%. Si le doute pénètre un de ces six piliers-là, c'est l'intervention physique qui a défait le nœud. Lorsque la personne a contracté la croyance en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour dernier, et la prédestination bonne et mauvaise, ça se fait à quel pourcentage de certitude? À 100%. Lorsqu'on descend à 99,9, c'est le nœud qui est un peu défait. Et ça ne cesse de se défaire, 98, 97, jusqu'à arriver à 0%, ce qui est l'ignorance. Et à ce moment-là, il n'y a pas du tout de aqida, ce qui était le cas même à 99%. Quand est-ce qu'il y a aqida? Lorsqu'on est à 100%. Lorsque la croyance est absolue, est total. Donc ça, c'est la aqidah musulmane. Et tout ce que l'on étudie, donc dans la croyance, ça ne fait que se ramifier en réalité sur ces six piliers-là. Lorsqu'on enseigne la aqidah aux gens, on enseigne en réalité la croyance à Allah, à ses anges, ses livres, ses prophètes, le jour dernier, et la prédestination bonne ou mauvaise. À la base, cette croyance-là, elle est intérieure. À la base, la croyance, elle est intérieure. Mais cette croyance-là, elle ne peut exister sans qu'elle ne s'exprime extérieurement. Et l'expression extérieure de cette aqida, hein, ça va être l'une de nos deux définitions de al-sharia, qui est la législation. Donc il faut qu'on définisse maintenant al-sharia. Qu'est-ce que la législation? On a deux définitions dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Première définition, c'est le synonyme de l'islam, la religion complète. Donc ça va renvoyer aux croyances intérieures et aux pratiques extérieures. Allah subhanahu wa ta'ala dit « ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا » Puis nous t'avons mis sur une législation, dans le sens d'une religion, avec ce que ça comporte de croyances intérieures et d'actes extérieurs. Puis nous t'avons mis sur une législation فَتَّبِعْهَا سُوِلَا دُنْكْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ça, c'est une première définition. Qu'est-ce qu'on définit par sharia? On définit l'islam. La deuxième définition, Ce sont les législations dans le sens d'ordre et interdit en lien avec le corps, ce qui est extérieur et qui ne relève pas donc de l'intérieur, des croyances. Et dans ce sens, donc dans ce sens-là, on a le verset dans Sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les prophètes ont eu des législations différentes, mais qu'ils ont tous en réalité la même aqidah. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, « لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » À tous, donc à chaque prophète, à chaque communauté, on vous a donné une voie et une législation. Donc les législations sont différentes. On a dit qu'il y avait des nourritures interdites pour eux qui sont peut-être licites pour nous, des formes de tenues vestimentaires, etc. Mais y a-t-il des croyances qu'ils avaient et que nous on n'a pas ? Et que nous on n'a pas ? Non, en termes de croyances, de manière générale, en termes de croyances, nous avons donc les mêmes croyances. Et ça on le retrouve dans Sourate An-Nahl, les abeilles. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا » Et nous avons certes envoyé dans toute communauté un messager avec le message, quel est-il ? « أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتِ » Adorer Allah et délaisser l'adoration du Tawut. Donc la législation, elle prend deux définitions. La religion complète, donc dans cette définition-là, croire en Allah, ça fait partie de la législation, de la sharia ? Oui. La croyance aux anges, ça fait partie de la sharia ? Oui. La croyance à la prédestination, ça fait partie de la sharia ? Oui. Se passer le siwak avant chaque prière, ça fait partie de la sharia ? Oui. Selon la deuxième définition qui renvoie à l'extérieur et qui ne prend plus en compte l'intérieur, est-ce que ici, croire aux anges fait partie de la sharia ? Dans cette définition-là, restreinte, non. Qu'est-ce qui fait partie de la sharia ? C'est ce qui est en lien avec la langue et le corps. Ce qui est en lien avec le cœur, ça entre dans la première définition. Donc quand est-ce que l'on va séparer aqida et sharia ? Ou bien du moins, quelle est la définition visée par le cours d'aujourd'hui par sharia ? C'est la définition, non, c'est la définition justement spécifique. Le lien existentiel, on va pas dire lien existentiel entre aqida, croyance intérieure, et sharia complète. C'est le lien existentiel entre l'intérieur et l'extérieur. Tout le monde suit, mes frères ? Donc quand on dit le lien existentiel entre aqida, entre les six piliers, et la sharia, les obéissances extérieures, les actes extérieurs. C'est saisi ? Est-ce que c'est saisi ? La deuxième définition qu'on avait donnée, selon laquelle la législation ça renvoie à l'extérieur, on le trouve ça aussi dans le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on a dit dans le verset de Sourate Al-An'am, à chacun on vous a donné une législation différente, donc extérieurement il y a des choses différentes entre les diverses communautés, et aussi dans la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit « Nahnu ma'ashirul anbiya » Nous, les prophètes, nous sommes les frères de mères différentes. Al-allat, c'est les différentes épouses d'un même mari. Donc, lorsqu'un quelqu'un est polygame, ces différentes femmes, on dit que c'est des allat. Donc, qui est le père ? C'est la aqida ou bien la sharia ? Qui est le père dans cette métaphore que nous donne le prophète alayhi salatu wassalam ? Il dit, je vais pas finir le hadith, il dit, nahnu ma'ashirul anbiya, nous les prophètes, ikhwatun li'allat, nous sommes les frères de mères différentes, dinuna wahid, notre religion est unique, dinuna wahid, wa shara'i'una shatta, et nos législations sont différentes. Lorsqu'il a dit dinuna wahid, le din, il renvoie à qui dans la métaphore? Au père, dans la métaphore. Au père. Et ash-shara'i', les législations renvoient à qui dans la métaphore? Au mère. Hein? Au mère. Donc les prophètes ont tous le même père, ont tous le même din, ont tous la même aqida. Quelle est-elle? On la trouve dans le verset de Sourate An-Nahl. U'budullah, adorez Allah, wajtanibu at-taghut, et délaissez-le. Et délaisser le tarout. Ils ont des législations différentes. Des législations différentes. La législation de Moussa, c'est quel livre ? La Torah. La législation de Isa, c'est quel livre ? La législation de Daoud, alayhi salam, ajma'in, c'est Az-Zabur, les psaumes. La législation de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Le Coran est différent de la Torah. La Torah est différente de l'Injil. L'Injil est différent de Az-Zabur. Mais la aqida véhiculée par tous ces prophètes est la même. Donc le tronc commun c'est la aqida, mais il y a différenciation dans la législation. Nous aujourd'hui quand on parle de lien existentiel entre la aqida et la sharia, on veut parler de la sharia du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Un compagnon est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit « Inna shara'i'a Allahi qad kathurat alay » « Les législations d'Allah sont beaucoup trop nombreuses pour moi. » فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ Informe-moi de quelque chose à laquelle je vais pouvoir me cramponner. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ Que ta langue ne cesse d'être trempée, c'est-à-dire en activité dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que visait ici ce compagnon là, ce qu'il a dit, les législations d'Allah sont beaucoup trop nombreuses pour moi, il visait les pratiques extérieures, les pratiques religieuses, les pratiques extérieures. Donc ça c'est un hadith encore qui nous amène à la définition spécifique de la charia, selon laquelle c'est les pratiques extérieures. Une autre définition, la définition des médias, hein, et la définition de ceux qui veulent détruire le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, la charia c'est al-hudoud, c'est les sentences, c'est couper la main, lapider ou bien fouetter le fornicateur, etc. Al-hudoud, qui sont les sentences, les peines légales, et il y a un chapitre que l'on étudie lorsqu'on étudie le fiqh, kitab ou al-hudoud, il n'y a pas kitab ou sharia, il y a kitab ou al-hudoud, le chapitre des hudoud, des peines. Ces peines-là, c'est une partie de la sharia, c'est une partie de la sharia. Or aujourd'hui, ce qui est véhiculé comme définition de la charia auprès de l'auditoire mécréant ainsi que musulman, c'est la définition de la majorité des musulmans aujourd'hui dans les mosquées. Qu'est-ce que la charia, c'est fouetter, couper, tuer. C'est ça la définition. Or ces choses-là sont une partie de la charia mais ne sont pas que la charia. Et ça aussi c'est une shahwa ou une shubha. C'est une arme ça. C'est une arme utilisée. Quelle est l'arme? C'est une shubha. C'est une chouba. Et quels sont les soldats? Qui c'est qui dit ça aujourd'hui? Comme ça, c'est média, mais ils véhiculent quoi? Ils véhiculent les paroles de certains. Ils véhiculent les paroles de certains qui introduisent leur discours, pas bismillah, qui prient sur le prophète alayhi salatu salam, qui font la prière et qui disent ça sur le minbar. Hein? Donc, la aqida et la shari'a, j'espère que c'est bien compris, bismillah azzawajal. Qu'est-ce que veut dire la aqida? Ici, dans notre cours, donc c'est les croyances intérieures, et la charia, c'est les pratiques religieuses extérieures. On en a 40 minutes, donc ça, on va résumer, Inch'Allah. Le lien existentiel, donc entre cet intérieur et cet extérieur, on le trouve dans le Coran, dans la Sunna et dans les paroles des savants, rahmatullahi alayhim. C'est ce qu'on appelle le talazum. Ça, c'est quelque chose de connu pour celui qui a étudié la foi. C'est quelque chose d'élémentaire et que l'on trouve dans de nombreuses paroles des savants, il ne peut y avoir d'intérieur réel sans qu'il y ait un extérieur aussi réel. Il ne peut y avoir une réelle croyance en Allah, etc., et qu'il n'y ait pas de pratique religieuse externe. Ça n'existe pas. Si ce n'est chez une secte qui s'appelle Al-Murji'ah. Cette secte-là, elle a une croyance selon laquelle il peut y avoir existence de la foi intérieure, donc de la aqida intérieure sans qu'il y ait une pratique religieuse extérieure. Et ils se sont trompés par ma'asiyah ou bien par shubha. C'est par shubha, ils ont leur délil. Mais est-ce que tout délil est un délil réel? Est-ce que toute preuve est une preuve qui réellement amène à la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le début de surat al-Baqarah, il définit trois catégories. Al-mu'minun, les croyants. Alif lam mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين, tel est le livre au sujet duquel il n'y a pas de doute, qui est une guidée pour qui al-muttaqin. Qui sont al-muttaqin? Alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient à Allah. C'est où ça? Dedans ou dehors? Dans notre cours, c'est la aqida ou la sharia? C'est la aqida. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, c'est la aqida ou la sharia? Dans notre cours. C'est la sharia. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, et qui dépense de ce que nous leur avons octroyé. Dans notre cours, ça fait partie de la sharia. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ça c'est la première catégorie. Ils ont les croyances intérieures et les pratiques extérieures. Tels sont les vrais musulmans. Deuxième catégorie, al-kuffar, innal ladina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Certes ceux qui ont mécru, peu importe que tu les préviennes ou pas, ils ne seront pas croyants. Ça, c'est des mécréants intérieurement ou pas? Oui. Extérieurement, ils extériorisent la sharia de Muhammad alayhi salatu wa salam, ou bien ils extériorisent leur mécréance? Ils extériorisent leur mécréance. Donc ce sont des mécréants intérieurs et extérieurs. Troisième catégorie, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Et il y a des gens qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier. Ils extériorisent par la langue la sharia ou pas? Oui, ils extériorisent. Donc comme quoi ils sont croyants. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Mais ils ne sont pas croyants. Ça c'est al-munafiqun. Ce sont des gens qui intériorisent le kufr et qui extériorisent donc la sharia, la législation, elle y mène la foi. Mais ce sont en réalité des gens qui sont considérés comme musulmans parce qu'on n'a pas accès à leur intérieur, mais qui auprès d'Allah sont des mécréants. Il n'y a que deux catégories, musulmans ou bien mécréants. Et donc les égarés qui ont dit, les murji'a qui ont dit, il y a une quatrième catégorie. Quelle est la quatrième catégorie que la raison accepte, mais pas la législation? Ce sont des gens qui sont intérieurement croyants, extérieurement, ils sont extérieurement mécroyants, mécréants. Il a véritablement la foi, mais extérieurement, il est mécréant. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le shara. Si ce n'est dans une seule et unique exception, al-mukrah. C'est celui qui est contraint. C'est celui qui est contraint. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf celui qui a été contraint et dont le cœur est apaisé dans la foi. Ce verset est descendu lorsque Ammar ibn Yasir a insulté le prophète alayhi salatu wassalam. Il a donc extériorisé de la foi ou bien de la mécréance? Il a extériorisé de la mécréance. Le prophète alayhi salatu wassalam est passé devant lui et l'a trouvé en train de pleurer. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ya Ammar, il a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, Quraysh n'a cessé de me châtier, de me torturer jusqu'à ce que je t'ai insulté. Il a dit, comment tu as trouvé ton cœur? Il a dit, mutma'innun bil iman, apaisé, tranquillisé dans la foi. Il a dit, fa'in adu fa'ud, s'il recommence, refais-le. Est-ce qu'il lui a dit, ce que tu as fait, c'est bien? Et en dehors du cas où tu es torturé, c'est du bien? Non, en soi, c'est du mal, c'est de la mécréance. Mais sous, donc la torture, qui est une des illustrations possibles de l'ikra, donc de la contrainte, cette parole-là permet d'extérioriser la mécréance en gardant son cœur apaisé dans la foi. Mais en dehors de ce cas-là, il n'existe pas de mécréance extériorisée avec un cœur apaisé dans la foi. Tout comme les munafiqoun, les hypocrites, ils n'extériorisent pas la foi sans l'absence d'un facteur qui est le regard musulman externe. Lorsqu'ils sont en présence des musulmans, ils extériorisent la prière et ils évoquent très peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour se protéger. Parce qu'ils sont dans une ambiance, un environnement où la force appartient aux musulmans. Mais lorsqu'ils sont chez eux, le munafiq, qui est dans la catégorie, et parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons à Allah et au jour dernier, et ils ne sont pas croyants. Il fait qiyam al-layl. Il se lève la nuit, dit, oh, je vais faire de rak'at. Il n'est pas là, Mohammed al-Sallam, ni les compagnons, je vais faire de rak'at. Comme il fait de rak'at, il jeûne lundi et le jeudi. Non, ce sont des gens qui n'extériorisent jamais d'adoration en absence de regard externe musulman. Pour ça, la ilaha oula, wa la ilaha oula. Ils ne sont ni là ni là. Avec les musulmans extérieurement, ils sont musulmans. Et lorsqu'ils se retrouvent avec leurs frères mécréants, ils montrent leur mécréance. Comme les soldats aujourd'hui en treillis musulmans, lorsqu'ils sont au dîner du CRIF avec leurs mécréants, ils se disent c'est bon, c'est en train de marcher, on est en train de prendre du terrain dans les mosquées de France. On est en train de faire gober la pastille aux musulmans qu'il peut y avoir scission entre la aqida et la sharia. Et lorsqu'ils se trouvent devant l'auditoire musulman, ils mettent leur camis et ils font les musulmans, etc., qu'Allah les éteigne et les fasse disparaître. Donc, on revient à notre titre, on n'a toujours pas réellement commencé, le lien existentiel entre la aqida et la sharia. Dans le Coran, on trouve cette chose-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ. Et celui qui soumet son visage à Allah, ça c'est la aqida. وَهُوَ مُحْسِنْ. Tout en étant, donc acteur en bien, tout en étant bienfaiteur. وَهُوَ مُحْسِنْ. Et ça, les savants ici, ils montrent que c'est la personne donc qui fait les bonnes actions. Ici, Allah a jumelé donc la aqida ainsi que la sharia. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, laysa al-birra, en hafs, pour le warsh, laysa al-birru, laysa al-birra, an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib. Le bien, le birr, ce n'est pas le fait que vous orientez votre visage vers l'Orient ou vers l'Occident. Walakin al-birra, mais le bien, man amana billah, c'est celui qui croit en Allah. Là, on est au aqidah ou sharia. Walakin al-birra man amana billah wal-yawm al-akhir wal-mala'ikati wal-kitab wal-nabiyyin. Mais c'est celui qui a cru en Allah, billah, wal-yawm al-akhir, et le jour dernier. Wal-mala'ikati, et aux anges, wal-kitab et aux livres, wal-yawm al-akhir, au jour dernier. Wal-kitab wal-nabiyyin, pardon. Wal-nabiyyin, et les prophètes. Ces cinq piliers qui ont été cités ici, qui sont les cinq premiers piliers de la foi, ça relève de, dans notre définition, de la aqida, par rapport à notre titre. Ensuite, il dit وَآتَ الْمَالَ, et qui donne l'argent, عَلَى حُبِّهِ, bien qu'il l'aime, ذَوِي الْقُرْبَ, aux proches, وَالْيَتَامَ, et aux orphelins, وَالْمَسَاكِينَ, et aux pauvres, وَالْمَسَاكِينَ, وَابْنَ السَّبِيلِ, et à celui donc qui s'est arrêté en cours de voyage et qui n'a plus de quoi continuer son voyage. وَالسَّائِلِينَ, et aux demandeurs, وَفِي الرِّقَابِ, et pour libérer les esclaves ou bien les prisonniers. Ça relève de quoi? Cette dépense extérieure de la sharia. Donc ici aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a jumelé donc la aqidah et la sharia. On trouve aussi ça dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, et notamment observer la clairvoyance des savants lorsque l'imam al-Nawawi rahimahullah a mis comme deux premiers hadiths de ces 40 hadiths al-Nawawiyah, et qui sont des hadiths fondamentaux pour le musulman. Quel est le premier hadith qu'il a mis en position numéro 1? إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Ceux qui sont un peu lâchés s'accrochent, inshallah. Ça, c'est des cours qui se digèrent. Peut-être dans 8 ans, tu auras compris, et alhamdoulilah, ça te vaudra ton salut, bismillah azza wa jalla. Notamment lorsque sûrement on demandera de faire signer, par exemple, des chartes de désaveu de la polygamie, de désaveu de la lapidation, de désaveu de beaucoup de choses en lien avec la sharia dans le sens de notre titre aujourd'hui. Hein, ceux qui auront compris ce qu'on est en train de dire aujourd'hui ne tomberont pas dans le filet de gens qui diront « Mais tu peux le faire tant que dans ton cœur tu es croyant. » Donc, où en était-on? Le premier hadith de l'imam Nawawi. Quel est le hadith? Les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera récompensé en fonction de ce qu'il aura eu l'intention de faire. Ça, c'est en lien avec quoi? Avec la aqida. Premier hadith avec la aqida. Premier hadith mis en place par l'imam Nawawi. Les actes ne valent que par les intentions. L'intention, ça se trouve où? Sur la langue? Sur le corps? Dans le cœur. Ça se trouve dans le cœur. Trouve dans le cœur. Pour valider l'acte, c'est suffisant? Hein? Est-ce que l'ikhlas, donc la sincérité, c'est suffisant? Chez les soufis, c'est suffisant. Pas chez Ahl Sunnah. Chez Ahl Sunnah, il faut le deuxième hadith. Le hadith de Aïcha radiallahu anha. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait un acte dont il n'a pas reçu l'ordre, c'est réfuté. Ici, celui-là, il vient critérier quoi? Il vient réguler quoi? La aqidah ou bien la sharia? La sharia. Ce sont les deux hadith que l'imam Nawawi a mis en place et que l'on retrouve dont on retrouve le contenu dans le dernier verset de sourate Al-Kahf. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse donc des bonnes actions. Ça relève de l'extérieur à la base. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe pas dans l'adoration à son Seigneur qui que ce soit. Ça relève de l'intérieur. Donc, première indissociabilité qui existe entre la aqida et les œuvres, elle se trouve au niveau de l'acte. Au niveau de l'acte, il ne peut y avoir d'acte dans l'au-delà qui sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, où il y a eu conformité extérieure sans conformité intérieure, ou bien il y a eu conformité intérieure sans conformité extérieure. Il faut obligatoirement les deux. Obligatoirement, il faut une conformité intérieure par une bonne aqida, tfaddal. Et deuxième conformité, la conformité extérieure. S'il n'y a pas conformité extérieure, c'est réfuté du fait du hadith de Aïcha radiallahu anha. Et où est-ce que l'on trouve cette indissociabilité entre la aqida et la sharia dans quel pilier de l'islam? La shahada. Première et unique porte par laquelle l'individu sort de la mécréance pour entrer dans la religion de vérité qui est l'islam, l'expression « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah » composée de deux parties. « La ilaha illallah » qui renvoie à la aqidah et « Muhammadun rasulullah » qui renvoie à la sharia. Une personne peut-elle entrer en islam en prononçant « La ilaha illallah » sans prononcer « Muhammadun rasulullah » Il ne peut pas. Peut-il prononcer « Ashhadu anna Muhammadan rasulullah » mais ne pas vouloir prononcer « La ilaha illallah » Peut-il entrer en islam? Non, il ne peut pas. Certains diront « Mais Oussama ibn Zayd a tué quelqu'un qui a dit « La ilaha illallah » et le prophète alayhi salatu wassalam lui a fait le reproche d'avoir tué cette personne qui avait dit « La ilaha illallah ». Il lui a dit « Est-ce que tu lui as ouvert son cœur pour voir s'il avait dit par peur des armes ?» Cette prononciation-là lui donne un statut de musulman en apparence et on appelle ça « raf'u silah ». On lève les armes contre lui en période de jihad. Mais on attend de voir s'il va concrétiser Muhammadun Rasulullah ensuite par la prononciation notamment et ensuite par la pratique de la prière et des législations qui sont requis en termes de minima pour authentifier la ilaha illallah. Et c'est notamment la prière. Absence de prière, ça annule toute la shahada. On y revient, inshallah. Donc, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, c'est l'illustration même de notre titre. Le lien existentiel entre la aqida et la sharia. Peut-il y avoir existence de la ilaha illallah sans l'existence de Muhammad Rasulullah? Non. Peut-il y avoir existence de Muhammad Rasulullah sans la ilaha illallah? Non. Peut-il y avoir aqida sans sharia? Non. Peut-il y avoir sharia sans aqida? La réponse est non. Donc, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ça c'est le premier pilier des six piliers de la foi. Les six piliers de la foi, les cinq qui suivent le pilier de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des piliers qui prennent naissance dans ce premier pilier. Et le premier pilier qui est la croyance en Allah, c'est la croyance en quatre choses. Croire en Allah, c'est quatre choses, c'est quatre composantes. La croyance en l'existence d'Allah, al-iman bi wujudillah. Croire en l'existence d'Allah. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهِ. Dis quelle chose est de la plus grande attestation. Dis c'est Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala existe. Ce n'est pas l'amour, comme disent certains babakoul de je ne sais quelle religion. C'est la paix. C'est le néant. C'est non. Et il est séparé de sa création. Donc Allah est Allah, Jalla fi'ula, il existe. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'unicisation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Et c'est l'unicisation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes à lui. Qui est celui qui donne la vie? Allah, seul sans associé. Qui est celui qui donne la mort? Allah, seul sans associé. Qui est celui qui fait descendre la pluie? Allah, seul sans associé. Qui est celui qui fait tomber malade? C'est Allah. Celui qui guérit, c'est Allah, etc. Tout ce qui relève de ses actes à lui, universel, Jalla fi'ula, on doit l'uniciser là-dedans. Cette croyance-là, si elle est véritablement réalisée, elle doit donner naissance ensuite à l'unicisation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la divinité. On doit ensuite nous le diviniser, l'uniciser par nos actes. Ne prier que pour lui, n'invoquer que lui. Visiter nos parents, nos proches que pour lui. Wahdahu la sharika lah. Faire le hajj que pour lui. Wahdahu la sharika lah. Délaisser le vin que pour lui. Wahdahu la sharika lah. On doit donc, on résume, obéir, c'est-à-dire faire ce qu'il a rendu obligatoire, recommandé, et délaisser ce qu'il a rendu interdit ou bien détestable seulement et uniquement pour lui. C'est saisi? Quatrième domaine, qui est la composante de la foi en Allah, c'est uniciser Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Donc, on confirme, on affirme les noms et attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué lui-même dans son livre, ou bien que le prophète lui a attribué dans sa sunnah, sans les interpréter, sans les faire dévier, sans faire d'anthropomorphisme, c'est-à-dire faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures, ou bien le contraire. Et sans ta'til aussi, sans rejeter ces qualités-là, dire qu'elles n'existent pas. Donc, la ilaha illallah qui est la première partie de la shahada. La ilaha illallah, c'est donc ces trois domaines-là. Uniciser Allah dans sa seigneurie, uniciser Allah subhanahu wa ta'ala dans sa divinité, uniciser Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Ces trois notions-là existaient-elles chez Adam alayhi salam? Oui. Existaient-elles chez Nuh alayhi salam? Oui. Existaient-elles chez Isa alayhi salam? Oui. Existaient-elles chez tous les prophètes? La réponse est oui. Muhammadun Rasulullah, l'entrée en islam d'un individu aujourd'hui se fait par la spécification de sa shahada en l'attribuant uniquement à Muhammad alayhi salatu wassalam. Elle se faisait auparavant par la première et même partie que nous. La ilaha illallah, ça existait au temps de Isa, au temps de Nuh, au temps de tous les prophètes. Aujourd'hui, quelqu'un qui déclare l'attestation qui était valide à l'époque de Isa est un mécréant. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah, dans le sens où c'est le dernier des prophètes et dans le sens où Muhammad n'est pas un messager, ceci est de la mécréance. Nous attestons que Isa est Rasulullah, est un messager d'Allah, mais pas dans le sens de celui qui attesterait de manière implicite que Muhammad n'est donc pas le messager d'Allah et que Isa est le dernier messager, comme c'est la aqida des chrétiens. Donc la deuxième partie est celle qui aujourd'hui authentifie l'islam de la personne. On ne peut pas imaginer que l'on peut dissocier après l'envoi du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam la ilaha illallah et Muhammadun Rasulullah. Car l'islam n'est authentifié que s'il y a déclaration que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Moi je veux qu'on s'arrête sur un domaine qui est al-hakimiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala, le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ordre, la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est transversal aux trois domaines. À la rububiyya, à la seigneurie, à la uluhiyya, à la divinité et au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, Al-Hakam. C'est lui qui décide. Al-Hakim. D'Al-Hakim, on tire la hikma et Al-Hukm. La sagesse, Al-Hakim, dans le sens le sage, S majuscule. Mais aussi Al-Hakim, celui dont l'ordre est plein de sagesse et c'est à lui que revient l'ordre. Subhanahu wa ta'ala. L'ordre d'Allah, avec un O majuscule, il est de deux types. Al-Hukmul Kaunil Qadari. L'ordre universel en lien avec la prédestination. La pluie est tombée. Qui l'a fait tomber? Allah. On doit uniciser Allah dans cet ordre divin ou pas? Oui. Ça, c'est un ordre universel en lien avec la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la pluie s'arrête, l'ordre d'arrêter la pluie, qui est-ce qui l'a fait? C'est le hukm de qui? C'est l'ordre de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit uniciser Allah subhanahu wa ta'ala ici ou pas? Oui. Celui qui dit quelqu'un d'autre qu'Allah a fait descendre la pluie, il a fait du shirk? Oui. Du petit ou du grand? Du grand. Celui qui dit autre qu'Allah a arrêté la pluie, il a fait du shirk? Petit ou grand? Du grand. Ça, c'est le premier type d'ordre. Al-hukmul kaunil qadari. L'ordre universel. On l'a vu, ça, dans le dars, ici même, en lien avec la prédestination. On doit uniciser Allah dans cet ordre-là. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui fait descendre la pluie, c'est lui qui guérit, c'est lui qui rend malade, etc. C'est lui qui nous ressuscitera seul, sans associé. Il y a un autre hukm, qui est le hukm at-tashri'i, qui est l'ordre législatif. En termes de ordonner de faire ou bien d'interdire de faire. Ça aussi, on doit uniciser Allah. Dans ce domaine-là aussi, on doit uniciser Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui a le droit de dire à l'humanité ceci est obligatoire, c'est Allah. Le seul qui a le droit de dire ceci est interdit, c'est Allah. Le seul qui a le droit de dire ceci est recommandé, c'est Allah. Le seul qui a le droit de dire ceci est détestable, c'est Allah. Le seul qui a le droit de dire que ceci est permis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'où le verset d'Allah, Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez cru, ati'u Allah, obéissez à Allah. Wa ati'u, il a répété le verbe, obéissez. Wa ati'u rasul, et obéissez au messager. Et aux détenteurs du pouvoir, qui sont les gouverneurs et les savants. Il n'a pas dit et obéissez aux gouverneurs et aux savants. Non, il a dit et aux gouverneurs et aux savants, car ils ne peuvent pas interdire en dehors du cadre établi par Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam, et ils ne peuvent pas rendre obligatoire, ni recommander, ni permis, ni quoi que ce soit en dehors du cadre juridique établi par Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam. Même le prophète, alayhi salatu wassalam, n'établit pas de manière indépendante, mais simplement Allah lui a légué donc cette responsabilité, et il transmet à l'humanité ce que Allah veut d'eux en termes d'obligations, recommandations, permissions, choses détestées ou bien en termes d'interdiction. En termes d'interdiction. Ici, là, certains, moi je les appelle les petits malins, donc c'est les soldats avec le trait musulman qui essaient de détruire l'islam, ils font exprès de fermer les yeux devant cette forme de tawhid au niveau de ce hukm-là. On parle beaucoup aujourd'hui du shirk au niveau des tombes. Ne demander qu'à Allah, n'égorger que pour Allah. Mais on oublie aujourd'hui aussi le tawhid au niveau du tashri', de la législation. Or, l'expression de ton tawhid au niveau de la législation, il se fait par le suivi du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Toi, pour unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son ordre, non pas universel en lien avec la prédestination, mais dans son ordre législatif, en termes de, je répète, sans répétant que ça rentre, en termes d'obligation, en termes de recommandation, de permission, de détestation, on l'a trouvé, ça existe dans le dictionnaire la dernière fois, et en termes d'interdiction. Ces cinq choses-là qu'on appelle al-ahkam ou taklifiya, comment tu les découvres, toi? Par méditation? Tu t'enfermes dans une pièce, tu réfléchis? Eureka! Il y a cinq prières obligatoires dans l'islam. C'est par ça? Comment est-ce que tu trouves le chemin te menant à ces cinq choses-là? À faire ce qui est obligatoire, faire ce qui est recommandé, faire ou ne pas faire, car tu as le choix, ce qui est permis, délaisser ce qui est détestable et délaisser obligatoirement ce qui est interdit. Qui te montre le hukm d'Allah de manière législative? C'est qui? Mohammed alayhi salatu wa sallam. Seul, sans associé. Tout comme il y a tawhid d'Allah dans l'adoration, il doit y avoir tawhid de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le suivi. Dans le suivi. Or, aujourd'hui, certaines prêches, leur ma'al, leur devenir, c'est de pouvoir faire croire qu'un islam existe en l'absence de Muhammad alayhi salatu wa sallam. En absence de prise comme juge du prophète alayhi salatu wa sallam. Et trois grandes da'wah aujourd'hui existent à ce niveau-là. Trois grandes da'wah existent à ce niveau-là. Mais avant cela, les versets qui montrent que lorsqu'on ne prend plus comme juge le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, il y a disparition de la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous qui avez cru, ati'u Allah, obéissez à Allah, wa ati'u ar-rasul, et obéissez à son messager, wa ulil amri minkum, et aux détenteurs du pouvoir, qui sont les gouverneurs et les savants. Les salafs ont divergé sur ce verset. Est-ce que ce sont les gouverneurs ou bien les savants? Mais la divergence a eu lieu à leur époque où les gouverneurs obligatoirement étaient savants. Parce que tout gouverneur doit être un savant. Un gouverneur, c'est un faqih. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'une tierce personne pour lui dire où se trouve la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour tous, sans aucune exception. Donc, ati'u Allah, ati'u Rasul, obéissez à Allah, à son messager, et obéissez à son messager, et aux détenteurs du pouvoir. Qu'est-ce que dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala? Fa'in tanaza'tum fi shay'in. Si vous vous disputez sur quelque chose, quel est le statut de cela? C'est obligatoire? Non, c'est recommandé. Ça fait partie du din, ça fait pas partie du din. Fa'in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ramenez-le à Allah et au prophète. Ramenez-le à Allah et au prophète. C'est-à-dire au Coran et à la Sunna. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. In, ça c'est une condition. Si vous croyez à Allah et au messager, si vous croyez à Allah et au jour dernier. Dhalika khair, ceci est bien meilleur. Wa ahsanu ta'wila, et c'est un meilleur devenir. Après ce verset-là, observez. Allah subhanahu wa ta'ala parle de gens à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam qui ont voulu. Mais le verset général sur le statut concernant donc une personne qui veut prendre un autre juge que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il dit subhanahu wa ta'ala, alam tara, c'est le verset suivant ça. Souvent qu'on te tronque dans des livres Parce que lorsque tu sors un verset de la globalité du discours coranique, tu n'en vois pas réellement l'objectif. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Ne vois-tu pas ceux qui prétendent, et la prétention n'a lieu que pour quelque chose qu'on n'a pas en réalité. Alam tara, ne vois-tu pas ceux qui prétendent avoir cru en ce qui a été descendu à toi, le Coran, et ce qui a été descendu auparavant, yuridun. Ils veulent an yatahakamu ila at-taghut. Ils veulent prendre comme juge le taghut. Qu'est-ce que le taghut? Tout juge pris en dehors du prophète alayhi salatu wassalam. Ne vois-tu pas ceux qui prétendent avoir cru à ce qui a été descendu en toi et à ce qui a été descendu après toi, qui veulent prendre comme juge le taghut? Wa umiru an yakfuru bih, alors qu'ils ont reçu l'ordre de mécroire en celui. Wa yurid en celui-ci. Wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Et Shaytan veut les égarer un égarement évident. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, et lorsqu'on leur dit تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, et lorsqu'on leur dit venez à ce que Allah a descendu et au messager, venez au Coran et à la Sunna, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, tu vois les hypocrites s'éloigner de toi. Je saute le verset d'après. Et qu'est-ce que dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ, jusqu'à ce qu'ils te prennent toi en juge. فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, dans leur sujet de dispute. وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, et qu'ils ne trouvent pas dans leur personne de désagrément et qu'ils se soumettent à ton jugement de manière totale. Ici Allah subhanahu wa ta'ala annule quelle partie de la shahada? La ilaha illallah. Parce qu'ils n'ont pas pris comme juge Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Or, aujourd'hui, donc, j'ai dit, certaines prêches veulent nous faire croire que l'on peut délaisser le prophète alayhi salatu wassalam et garder la ilaha illallah. L'une des premières prêches, et qui est une des prêches qu'il faut absolument combattre, car elle va avoir un impact si elle reste vivante sur le terrain. Elle va avoir un impact sur l'avenir des communautés, même si la vérité est toujours victorieuse et Allah subhanahu wa ta'ala protège sa victoire. C'est ceux qui disent que prendre comme juge autre que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est du petit kufr, du kufr, duna kufr, de manière totale et absolue. Ça, le ma'al, le devenir de cette prêche-là, c'est une disparition de la deuxième partie de la shahada, Muhammadun Rasulullah. Et on entend ces gens-là, donc, trouver des prétextes aux gens, et notamment aux gouverneurs, qui mettent en place des constitutions importées, donc des civilisations occidentales, qui n'ont strictement aucun lien avec l'islam. Si ce n'est qu'on met souvent dans la première ou bien dans la deuxième matière de la constitution, encore une shubha, hein, dans laquelle ne tombent pas les gens de science normalement, cette constitution est islamique, etc. Cet état est un état de religion islamique, etc. Et derrière, c'est rien de différent d'une constitution italienne, française ou autre. Et ces gens-là, lorsqu'on dit que ça, c'est une annulation de Muhammad Rasulullah, ils te disent non, c'est de la petite mécréance. C'est de la petite mécréance. Et ils s'appuient sur la parole d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui lorsqu'il a été interrogé, lorsqu'il a été en débat avec les Khawarij, donc, excommunié Ali radiallahu an, personne qui mettait en place la sharia ou pas, personne qui avait comme retour dans ses sujets de dispute et dans le, il tranchait les litiges par la loi, la législation, la sharia de Muhammad alayhi salatu wassalam ou non? Oui. Lorsque les khawarij, lorsqu'ils ont vu que Ali avait pris deux compagnons pour juger de l'histoire de Uthman radiallahu an, du meurtre de Uthman radiallahu an, les Khawarij ont dit qu'il a donc pris comme juge, dans ce point-là, autre que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit donc que c'est un mécréant. Ils ont dit que c'était un mécréant. C'est pour ça qu'ils font l'excommunication, le takfir, de toute personne qui fait un grand péché. Car pour eux, faire un grand péché, c'est juger par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ne jugent pas par les lois d'Allah, ce sont eux les les mécréants. Or, il y a deux types de jugement. Il y a celui qui a comme point de retour la sharia, donc la concrétisation de Muhammad Rasulullah. Sa loi, c'est dans les tribunaux, la sharia du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Par peau de vin, par passion ou autre, il va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et il ne va pas couper la main du voleur, prendre un pot de vin, le lâcher, et il ne va pas fouetter le fornicateur ou le lapider, suivant le cas, il y a lapidation ou bien fouettage, et il va le relâcher pour prendre un pot de vin parce que c'est un copain ou autre. Ici intervient la parole de Abdullah ibn Abbas, kufrun duna kufrin, car la personne ne voit pas sa shahada selon laquelle Muhammad est le messager d'Allah, et donc parmi les implications, ou parmi même la composition même de la shahada selon laquelle Muhammad est le messager d'Allah, qu'il soit pris comme juge dans les sujets donc de litige. Sa shahada n'est pas annulée, car c'est une désobéissance ponctuelle et n'a pas remis en question sa shahada. En revanche, celui qui met de côté Muhammad alayhi salatu wa salam, dans l'assemblée législative du pays, on se concerte. Qu'est-ce qu'on va faire du voleur dans ce pays? Chacun lève le doigt. Est-ce qu'il y en a un dans ce type d'assemblée législative qui est arrivé à une autre loi que celle d'Allah par ignorance? Est-ce qu'il y en a un qui est allé à l'encontre de la législation d'Allah par interprétation? Je vais plus loin. Y a-t-il un monsieur Dupont ou Durand aujourd'hui sur le sol français? Je vais dire plutôt, y a-t-il une majorité aujourd'hui de Français non musulmans qui pensent qu'en islam on ne coupe pas la main pour voleurs? Si on faisait un recensement des non-musulmans, on leur demande quelle est la sentence du voleur en islam, ils répondent quoi? Couper la main. Ils savent très bien que c'est couper la main. Ils le savent très bien. Donc c'est pas l'assemblée législative. Donc ici il y a annulation de la shahada. Il y a annulation de la shahada car ils n'ont pas unicisé Allah dans quel type de hukm, barakallahu fikum. Le shar'i. Ceux qui sont assis, qui légifèrent des lois annulant les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont fait un shirk dans le hukm tashri'i, tout comme les autres ont fait un shirk dans le hukm kauni qadari. Chose importante, ayol ikhwa. Aujourd'hui, c'est l'apostasie de masse. C'est l'apostasie de masse. On est en train de mettre comme juge autre que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Aujourd'hui, les gens détestent la sharia dans quel sens? Dans le sens restreint. Dans le sens restreint. Parce qu'on ne les a plus fait vivre en ayant pris comme juge Muhammad alayhi salatu wa salam. On a une génération aujourd'hui, dans les pays arabes, qui sont prêts à donner leur sang pour enlever la sharia. Ils sont prêts à mourir pour enlever la sharia. Qui donneront leur âme, femme, enfant, pour enlever la sharia. Mais pour enlever la ilaha illallah, non. Car on a réussi à leur faire croire, il y en a, c'est vraiment des mulhidoun. Mais il y en a qui par amour d'Allah, par amour de l'islam, de leur islam qu'ils pensent être un islam, qui réellement veulent enlever le shara. Veulent enlever le shara. Première prêche à combattre, ces gens-là, et c'est au nom de la salafia, du délil, etc. Hein, c'est pas souvent des gens barbrasés, jeans serrés. Hein. Non, c'est des gens, ils ont sous le telata sous le bras. Toute application donc d'une législation contraire à la sharia, c'est pas annulatif de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pour ça que tu peux faire ce que tu veux, comme législation, jamais ils ne te sortiront de l'islam jusqu'à ce que tu fasses du shirk en lien avec le cœur de manière écrite ou orale. Lorsque tu diras Allah n'existe pas, Allah est le troisième de trois ou autre. Mais par l'acte, non. Dans les programmes scolaires, tu mets la démocratie, tu mets la laïcité, et aucun lien, il n'y a pas Allah, il n'y a pas le prophète, ou une petite baraka de 2 heures tarbiya islamia pour endormir encore ces nouvelles choubha, etc. Là, non, on ne peut pas, c'est des musulmans, ça c'est pas de la mécréance. Et aujourd'hui, on ouvre donc la porte à laïciser les peuples, les nations, par cette da'wah-là, qui est l'une des plus dangereuses car elle apparaît avec une défense de la sunna. Et elle prend source dans une autre secte, qui sont les Murji'a. Donc je passe rapidement là-dessus, je m'excuse, je suis long. Les Murji'a, c'est des gens donc qui ont sorti les actes de la définition de la foi. La foi, c'est le cœur, la langue, prononciation avec la langue, croyance avec le cœur et acte avec le corps. Pour eux, c'est croyance avec le cœur, parole avec la langue et le corps, ça c'est hors sujet. Tu le fais, c'est bien, tu le fais pas, ça existe encore. Vous avez compris ? C'est comme celui qui a mis sur le bon coin une roue à vendre. Il a enlevé les actes, c'est toujours pour un murji, c'est une voiture, une roue. Pour un Ahl Sunnah, c'est une roue, c'est pas une voiture. Donc pour un murji, la croyance intérieure et les prononciations de la langue, c'est du iman, c'est de la foi. Et les actes du corps ne font pas partie de la définition de la foi. Donc le délaissement des actes ne peut avoir d'impact sur la foi. Ne peut avoir d'impact sur la foi. Quel que soit l'acte délaissé. Et aussi le fait de faire des péchés ne peut avoir d'impact sur la foi aussi. Chez les gens de la sunna, la foi, c'est croyance intérieure, parole de la langue, acte du corps. Dans ces trois composantes, il y a des choses qui sont des piliers. Qui sont des piliers. Au niveau de la langue, il y a des choses qui sont des piliers. Il y a des choses au niveau du cœur qui sont des piliers. L'amour d'Allah, c'est un pilier ou pas ? Peut-il y avoir foi sans amour d'Allah ? Peut-il y avoir foi sans aucune peur d'Allah ? Peut-il y avoir foi sans la ilaha illallah, la prononciation de la shahada ? Non. Peut-il y avoir foi sans la prière ? Il y a divergence et la vue authentique chez tous les compagnons, c'est que lorsqu'il y a disparition de la foi, lorsqu'il y a disparition de la prière, il y a disparition de la foi. Chez Ahl Sunnah, certains actes, lorsqu'ils disparaissent, font disparaître la foi dans sa totalité. Au niveau du corps, on a dit la salat. Au niveau de certains actes, ou bien paroles, ça fait descendre la foi à un niveau qu'on appelle un niveau en deçà du kamel wajib, de l'obligation obligatoire. Et c'est notamment la personne qui fait des grands péchés. Celui qui fornique, reste-t-il musulman ? Oui. Celui qui fait le faux témoignage, reste-t-il musulman ? Oui. Celui qui fait un meurtre, reste-t-il musulman ? Oui. Mais s'il meurt dans cet état-là sans s'être repenti, dans l'au-delà, il est sous ce qu'on appelle la volonté divine. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il lui fait miséricorde, il le fait rentrer au paradis. Et s'il veut, il le fait rentrer en enfer. Éternellement ou momentanément ? Momentanément. Et un jour ou l'autre, il sortira et rentrera au paradis, car il n'a pas perdu la base de la foi qu'avait perdu celui qui n'avait pas fait la shahada, ou bien qui ne prie pas. Et ensuite, il y a des actes ou bien des paroles qui relèvent de la complétude recommandée. De la complétude recommandée. Comme celui qui, par exemple, ne fait pas de nawafil. Celui qui ne fait pas de rak'at avant le dhuhr, après le dhuhr. Celui-là, s'il meurt, il est mécréant. S'il meurt, il est sous la volonté divine. Allah, s'il veut, il le châtie, ou s'il le veut, il lui pardonne. Non, il n'a pas délaissé quelque chose qui le soumet au châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Chez les murji'a, ils n'ont pas cette définition-là. Quelle que soit la chose que tu laisses, tu laisses le délaissement, tu laisses le passage du siwak avant l'odo, la prière, ta foi n'a pas diminué. Tu délaisses la visite de tes parents, ta foi n'a pas diminué. Tu délaisses le selam à quelqu'un, le rendre, c'est obligatoire, ta foi n'a pas diminué. Tu laisses passer le selam le premier, ce qui est recommandé, ta foi n'a pas diminué. Quoi que tu fasses, quoi que tu délaisses, tu ne seras jamais mécréant. En termes d'unité, Ahl Sunnah, ils ont divergé, on a dit. Tu délaisses le siwak, ta foi, elle ne disparaît pas. Elle diminue par rapport à toi-même si tu te passais le siwak. Mais tu n'es pas pécheur, tu n'es pas sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà et encore moins mécréant. Celui qui délaisse quelque chose d'obligatoire, le bon comportement avec les parents, il est sous la volonté divine s'il ne se repent pas de ça. Et celui qui délaisse quelque chose qui est un pilier de la foi, il est mécréant. Ça, c'est concernant les unités. Mais délaisser les actes complets, la famille des actes, tous les gens de la sunna sont en accord unanime que c'est de la mécréance. Sur la prière, il y a divergence. Celui qui prie, qui ne prie pas. Mais celui qui ne fait rien. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, il fait rien. Lundi, mardi, mercredi, janvier, février, décembre, il meurt. Il est musulman chez Al-Sunnah ? Non. Chez les murji'a ? Oui. C'est quelqu'un qui est musulman. Car pour eux, les actes n'entrent pas dans la composition de la foi. N'entrent pas dans la composition de la foi. Et cette da'wa-là, donc qui te dit que appliquer des lois autres que celles du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ce ne sera jamais de la grande mécréance, en réalité, elle prend naissance ici. Elle prend naissance ici, car ils sortent eux aussi les actes de la composition de la foi pour beaucoup d'entre eux. Certains ne sortent pas les actes de la composition de la foi. Mais lorsqu'ils viennent à statuer, en réalité, ils retombent sur leurs pattes. Car celui qui délaisse complètement la sharia, la législation de Muhammad, il a la ilaha illallah, et Muhammad Rasulullah, tout ce qu'il a de cela, c'est sur sa langue. Mais il n'applique rien de tout cela. Quand est-ce que tu vas pouvoir le sortir de l'islam? Si tu ne le sors pas par ça, tu vas le sortir par autre chose? Non. Tu ne vas jamais le sortir par autre chose. Non. Donc ce ne sera jamais de la mécréance. C'est pour ça que des salafs étaient interrogés sur Al-Irja. On leur demandait qu'est-ce que Al-Irja? Ils disaient « Dinun yu'jibul muluk ». C'est une religion qu'aiment les gouverneurs, qu'aiment les rois. Ça leur permet de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils tuent tout le monde. Ils volent tout le monde. Hein? Ils mettent en place la démocratie, la laïcité. Ils construisent des églises, des synagogues, ils détruisent des mosquées. Ils mettent tous les barbus qui veulent la charia en prison. Et c'est toujours un musulman. Donc, la stratégie mise en place aujourd'hui, c'est que cette personne-là ne va pas se convertir au judaïsme ou au christianisme. Il va toujours garder l'étiquette « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Mais dans la réalité, est-ce qu'il a concrétisé Muhammad Rasulullah ? Non. Pourquoi ? Car il ne prend pas comme juge Muhammad, alayhi salatu wassalam, notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la première chose, la première prêche qui inéluctablement, mais elle disparaîtra, car c'est une prêche fausse, bid'iyya, innovatrice, qui va à l'encontre des salafs, rahimahullah, elle disparaîtra, elle est vouée à disparaître. Et c'est une prêche qui a pour finalité la disparition de la seconde partie de la shahada, ce sera de l'apostasie générale et de la mécréance. Ça, c'est la première. Cette da'wah, elle est utilisée où ? Elle est utilisée dans les pays arabes aujourd'hui. Peut-être certains seront amenés à faire hijra, à aller dans un pays comme celui-ci, mais il faut toujours la connaître. Ce type de personnes sont très présentes en France, mais ils prêchent une défense de ceux pour qui porte un intérêt cette prêche-là. Elle ne porte pas un intérêt pour un gouverneur qui est mécréant à la base, puisque tout le monde est d'accord qu'il est mécréant. Vous saisissez ou pas ? Donc, tu ne vas jamais les entendre utiliser cette aqidah. Ils ne sont pas arrivés encore à ce stade-là pour défendre quelqu'un qui ne se prétend pas musulman. Donc, elle a un intérêt pour celui qui se prétend musulman mais qui ne pratique pas l'islam. Et comme pour eux, il n'y a pas de lien existentiel entre la pratique et la croyance, la personne reste musulmane. Souvent, ils ne sont pas très diplômés, ils ne parlent pas bien le français. Et c'est des gens qui ne sont pas très cultivés et qui sont aussi isolés. Cet isolement se comprend, moi je le comprends, et qui ont pour projet de faire la hijra, ce que je comprends aussi et je soutiens. Donc, ils ne trouvent pas d'intérêt à prêcher ici, et à vraiment... ils prêchent, mais dans le sens où un jour il faut que tu partes. Et ça, c'est une de leurs sincérités, qu'Allah les guide et les récompense pour cette sincérité-là. Donc, à long terme, on ne pourra pas les utiliser, notamment parce qu'ils prônent aussi des choses qui vont à l'encontre de certaines choses qui sont emblématiques et symboliques dans la culture française. Comme la tenue vestimentaire. Quand on parle de débat sur l'identité française, un Français ne sera jamais en khamis. Il n'y aura jamais un président de la République en khamis en France. Il n'y aura jamais, on n'acceptera jamais que le niqab fasse partie de l'identité française. Le vin, le saucisson, tout ça c'est sacré. Ça fait partie même du bleu, blanc, rouge, de liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire la aqida française laïco-démocratique aujourd'hui implique certaines pratique extérieure. Or, ces frères-là qui appellent aujourd'hui au kufr, d'una kufr, de manière totale et absolue, même si tu mets en place la Torah, l'Évangile ou autre, ils ont des choses externes qui font que l'opinion publique française ne pourra pas les accepter. Donc, ils sont utilisés dans des pays où ce qu'ils prennent extérieurement, kamis court, barbe longue, niqab et tout, ça ne choque pas encore et ça ne remet pas en question leur utilisation, instrumentalisation pour être plus précis. Donc ici il faut utiliser quoi ? Les aqlaniyoun, et on les verra le mois prochain. Les musulmans des lumières, l'intelligence, bac plus 25, fait des phrases, t'as rien compris. Le arabe de base, il a écouté, il n'a rien compris. Subhanallah, trop d'ilm, pourquoi ? J'ai rien compris. Vous voyez, je visqui. Tu comprends rien, t'écoutes une heure, t'as rien compris. Il parle à des gens, il vient de poser le marteau piqueur, mskin, il vient avec le bleu de travail fatigué, argen au jemmer, il écoute une heure, il n'a rien compris. Mais il y a même celui qui a bac plus 5 qui n'a rien compris, parfois. Eux, ils sont extrêmement dangereux. Pourquoi ? Aujourd'hui, le public musulman, c'est un public sous-diplômé. C'est un public sous-diplômé. Les mosquées aujourd'hui, bac plus et quelques, il y en a peu. Donc il y a un complexe d'infériorité qui est tout de suite créé par rapport à ce type de personne qui a un super parler. Alors que tu peux être, je ne vais pas dire pas intelligent parce que ce n'est pas le mot, mais tu peux être quelqu'un qui n'a pas un diplôme mondain extrême et être très intelligent. Très intelligent. Et d'ailleurs, les savants disent qu'il n'y a pas de lien existentiel encore entre Al-Ummiya, qui était donc l'illettrisme, une qualité du prophète, alayhi salatu wa sallam, et Al-Jahl, et l'ignorance. On a des gens qui sont Ummi, qui sont très intelligents. C'est-à-dire des bacs plus 21, c'est des abrutis. Donc tu peux être diplômé, être bête, et tu peux être illettré et être savant, être très intelligent. Et on le voit dans nos mosquées, dans notre quotidien, et en côtoyant des gens qui ne sont pas très diplômés, mais Allah ibarak, ils ont une perspicacité. Parfois tu vas te concerter avec lui, alors qu'il n'a pas un niveau d'études très important, mais il est sage, intelligent, et l'autre tu ne vas pas aller le voir, parce qu'il n'est pas intelligent. Donc ces gens-là, leur premier danger, c'est souvent des diplômés qui parlent très bien. Et pourquoi est-ce qu'ils sont instrumentalisés? C'est parce qu'ils prônent le symbolisme aujourd'hui démocratico-laïcard. Hein? Les autres, là, les premiers, ils sont contre la démocratie et ils sont contre la laïcité. Même si leur prêche, hein, la finalité de leur prêche, c'est la mise en place de ça. La preuve même, ils ne combattent pas ceux qui sont aujourd'hui démocrates et laïcards dans leur propre pays. Du moment qu'ils ont la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sur la langue et qu'ils mettent en place de manière généralisée dans les tribunaux, la rue, les écoles, etc., la démocratie, la laïcité, ça ne pose pas de problème. Abdullah ibn Abbas oblige, kufrun, dona kufr. Donc, la finalité de leur prêche, c'est la même chose. Mais ceux-là, ils prônent on va dire, l'identité française en elle-même. Donc eux, ils sont extrêmement dangereux parce qu'ils vont amener justement à l'islam de France. L'islam de France, ce n'est pas les pseudo-salafis, ça ne va pas être les ehbesh, ça ne va pas être le tablir, ça ne va pas être, ce qui ne veut pas dire que je suis en train de confirmer la aqida ou bien le minhaj de tout ce que je viens de citer, mais ce sera la grande famille des ikhwan muslimin, les frères musulmans, Bourget, UOIF, etc. Ils vont amener à l'apostasie générale beaucoup de musulmans de France. Beaucoup de musulmans vont perdre leur au-delà et vont s'éterniser en enfer à cause de ces gens-là. Ça, je le dis ouvertement. Ces gens-là, Tariq Oubrou, Tariq Ramadan, Ghalib Bencher, Souheb Bencher, ces gens-là vont amener à l'apostasie, ils en ont déjà amené beaucoup, vont amener à l'apostasie beaucoup de gens, de musulmans de France. Car ils sont justement en train de faire croire qu'on peut vivre sous une législation complètement annulatrice de Muhammad Rasulullah en préservant la ilaha illallah. D'où l'islam de France. D'où l'islam de France qui va être donc de faire beaucoup de concessions sur des choses qui sont donc primordiales dans notre religion. Ça va être première chose les peines. Or les peines, les hudoud visent notamment à protéger beaucoup de choses. L'exécution de l'apostat, c'est pour protéger le dîn. La coupure de la main du voleur, c'est pour protéger l'argent. La lapidation, ou bien le fouettage du fornicateur, c'est pour protéger un nesl, la descendance. Le fouettage de celui qui fait ce qu'on appelle qadful muhsanat, qui accuse injustement une croyante d'avoir fait quelque chose qu'elle n'a pas fait, c'est pour protéger al-ird. Et notre religion vise à protéger cela. Vise à protéger ad-din, la religion. La religion protège la religion. C'est pour ça que من بدل دينه فاقتلوه, celui qui change sa religion, exécutez-le. Après que nous, de par le contexte qu'on vit, on ne proclame pas ça sur les minbars, etc. C'est normal. Moi, je le comprends. Et aujourd'hui, je l'évoque parce que cette chose-là est mise en danger. Et certaines personnes, de par leur ignorance et par l'éblouissement qu'ils ont de ces personnes qui parlent super français et super diplômés, les suivent dans leur prêche. Donc eux nous amènent à extérioriser des choses qui, normalement, la sagesse, vu le temps et l'espace, ne devait pas être dite. Ne devait pas être dite. Car la sagesse fait qu'on doit appeler les non-musulmans, les mécréants, au tawhid avant. C'est pas la peine de les appeler même à la sharia, dans le sens que font certains. Dans le sens spécifique. On ne les appelle pas à la sharia. On n'appelle pas les gens à la sharia. On les appelle à Allah. La première chose à laquelle tu dois les appeler, c'est Allah. S'ils t'obéissent, appelle à la prière. S'ils t'obéissent, alors la zakat. Mais on les appelle à la lapidation, on débat avec eux sur la lapidation, sur le niqab. Tout ça, on le met de côté. Tout ça, on met de côté. Il faut les appeler au tawhid, car le tawhid, c'est quelque chose à laquelle répond la fitra, la saine nature. Jeté dans une île déserte, en méditant sur le soleil, la lune, les poissons, l'eau, il arrivera au tawhid. Il n'arrivera jamais au niqab, il n'arrivera pas à couper la main du voleur, il n'arrivera pas à lapider le fornicateur. Et il n'arrivera pas non plus à l'exécution de l'apostat. Ça, il faut le comprendre. On doit appeler les non-musulmans, les Français, aujourd'hui au tawhid et non pas à la sharia dans le sens de la législation extérieure. D'autant plus que la sharia, pour eux, et en plus pour certains prêcheurs de la sharia, c'est les peines. Donc ça, c'est un manque de sagesse extrême. Même si il prend base sur une bonne intention, mais c'est pas parce que c'est une bonne intention. Tout comme on va condamner les soufis qui, par bonne intention, ont une faille dans leur da'wa extérieure, de même on va condamner ces frères-là parce qu'ils ont une faille dans leur pédagogie. Donc cette prêche-là, elle va arriver à l'islam de France, qui sera un islam dépouillé de Muhammadun Rasulullah. Pas sur la langue, les gens diront « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Mais ils prendront comme juge d'autres lois que celles du prophète alayhi salatu wasalam. Je sais qu'il faut prendre des pincettes sur le fait de citer Tariq Ramadan, Tariq Koubrou, on m'a déjà fait ce reproche-là. Tout comme je mettrai en garde contre quelqu'un qui, lors de la prière, vient au fond et fait les poches, donc des prieurs, des vestes, je mets de manière plus prioritaire en garde contre ces gens-là qui sont en train de enlever du cœur des musulmans l'aqida authentique et en train de mettre autre chose. Et personne ne viendrait dire « Oh Tariq, Allah dit que t'as dit que Mokhtar, il fait les poches des prieurs pendant la prière, c'est de la riba. » Non, c'est pas de la riba. Mais pour la aqida, non, mais on reste frère, on est tout mahba, etc. Non, là, il n'y a plus de mahba. C'est « Hub fillah » et « Bourd fillah ». Et wallah que l'avenir va être difficile, l'ikhwa. Wallahi que celui qui n'a pas une aqida authentique, s'il n'a pas fait ses valises, ou s'il sera à ce moment-là, encore ici, et qu'il n'a pas étudié sa aqida avec ses cours comme ça qui font mal au cerveau, on regarde 31 fois l'horloge pendant le cours en se disant « Ya Rabbi, c'est quand qu'il va arrêter ?» Eh ben mon frère, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu veux rester sur les vidéos de YouTube de certains, comment préserver ton couple, l'islam c'est sympa et tout, etc. Wallah, ce ne sera pas ça qui va valoir ton salut ce jour-là. Tu es obligé de passer par cette étape-là. T'es obligé. Donc cette prêche-là, elle va amener à un islam qui ne sera plus l'islam. Et ils vont nous amener donc à garder les lois des mécréants comme étant un point de retour. Ces gens-là, ils sont en train de travailler une sharia des minorités. Tariq Koubrou est en train de citer ça en ce moment. Il est en train de travailler ce qu'on appelle une sharia des minorités. Une sharia des minorités. Dans la revue L'Express, il y a peu de temps, il a donné une interview dans laquelle il dit « Il n'y a aucune preuve dans le Coran rendant obligatoire à la femme de se couvrir les cheveux. » Chouba encore. C'est une chouba pour les musulmans. Attends, je vais chercher dans le Coran, c'est écrit « Oh vous les croyantes, couvrez-vous les cheveux. » Ben oui, j'ai lu son hadith, il n'y a pas. C'est une chouba pour celui qui n'a pas de usul fiqhiyya, qui ne comprend pas les fondements de la jurisprudence, les fondements de l'argumentation. Comment est-ce que du dalil on tire que... Tout comme il n'y a pas écrit « Ne buvez pas le vin ». Ce qui est écrit « Ne buvez pas le vin » dans le... On l'a ça ? Il n'y a pas écrit. Dans la sunna. Il est maudit celui qui boit le vin. Mais dans le Coran, il écrit « Fajtanibou ». Et l'ijtineb, c'est plus que le délaissement. C'est plus. « Fajtanibou ». Mais délaisser, est-ce que c'est « Ne buvez pas » ? Il n'y a pas écrit dans le Coran « Ne buvez pas le vin ». Mais « Fajtanibou », ça contient « Ne buvez pas le vin ». Donc il va y avoir un islam, ils ne vont pas nous pondre un judaïsme ou un christianisme ou une mécréance, ils vont nous pondre un islam qui sera laïque. Qu'est-ce que la laïcité ? Scission entre le religieux et le politique. Le religieux c'est la ilaha illallah, la aqida. Et le politique c'est Muhammadun Rasulullah, c'est la sharia. Donc on va nous pondre un islam laïque. On va nous pondre un islam démocrate. La démocratie, demos kratos, c'est le pouvoir au peuple. Le pouvoir dans le Coran, il est à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Et donner le pouvoir au peuple, c'est du shirk akbar. C'est associé à Allah dans quel type de hukm ? Dans le hukm tashri'i, législatif. On va donner au peuple le droit de faire descendre la pluie. C'est possible ça ? Non. C'est possible ? C'est du shirk ou pas ? Non, ça c'est du shirk. On va leur donner le pouvoir de faire tomber malade. C'est du shirk ou pas? Oui. Et bien, de même, leur donner le pouvoir de légiférer, c'est du shirk. Le premier dans le hukm, kauni qadari, universel en lien avec la prédestinée. Le deuxième dans le hukm, tashri'i, législatif. Donc cette prêche est sans doute la plus dangereuse. Parce que les premiers, ils font leur valise, ils sont en train de partir. Physiquement, on le voit, ils partent et c'est un grand bien. Après, il y a les grosses têtes. Grosse tête du premier groupe, on est avec les gouverneurs. Voilà, vous nous pondez des fatwas pleines de irja pour endormir les barbus. Parce que là, on va encore prendre un peu, on va grappiller un peu là. Là, pour bientôt, on va enlever le hijab. Donc, il faut nous pondre encore une fatwa qui fait que lorsqu'on légifère l'interdiction générale dans un pays contre le hijab, ce n'est pas du grand kufr, mais c'est du petit kufr. Et après, on a l'autre catégorie. Eux, c'est plus les assises avec les francs-maçons, comme c'est le cas de Tariq Oubrou. Il est sur YouTube, il ne se cache pas. Et c'est assis avec les francs-maçons, il y a quelques années. Et le cas de Dalil Boubaker, j'ai oublié, la grosse tête aussi de l'hypocrisie dans ce pays, qui va dîner du CRIF et qui a dit sur MC Info, lorsqu'on lui avait dit qu'il y avait des jeunes Français qui voulaient la sharia en France, ce qui est encore, moi je dis, une erreur dans la prêche. Tu viens pas, tu dis, je veux la sharia en France. Qu'est-ce que tu... Le prophète Sassim n'est pas venu à la Mecque, je veux la sharia. Non, il est venu et il parlait d'Allah subhanahu wa ta'ala, du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est la sharia dans le sens du din. Mais ce n'était pas le terme qui était utilisé à ce moment-là. Parle-leur d'Allah, de l'unicité d'Allah, qu'ils doivent se soumettre à Allah. Et lorsqu'ils ont mis cette première brique, ils mettront ensuite le reste. Il a dit, nous, dans ce pays, nous n'avons qu'une sharia, ce sont les lois de la République. Il a annulé quelle partie? Les deux. Mais ça, l'effet domino, c'est lequel le premier domino qui est tombé? Mohammed Rasulullah. Et il a tapé le domino, la ilaha illallah. Simplement, je veux finir par cette chose-là. Et ça, c'est un ressentiment que j'ai. Alhamdoulilah, moi comme d'autres frères, alhamdoulilah beaucoup, c'est qu'aujourd'hui on va être sûrement, je pense, victime de notre confort et de vouloir ne pas entrer dans cette bataille qui est une bataille de aqidah, de mécréance contre l'islam. Aujourd'hui les musulmans de France sont en train de prendre, pas tous, mais beaucoup, un mauvais chemin qui est le chemin de penser que l'on peut avoir un islam authentique et survivre en tant que minorité dans un système qui vise à détruire ce dernier. Ça c'est pas possible. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a fait la hijra de la Mecque vers Médine, c'est parce qu'il avait le véritable islam. Et son véritable islam entrait donc en conflit avec quoi? Avec la aqidah de Quraysh. Avec la aqidah de Quraysh. Donc, les intérêts mondains de Quraysh étaient mis en danger par la aqidah que prônait le prophète, alayhi salatu wassalam. Leur argent, leur pouvoir, etc. C'est qu'il y aura obligatoirement un conflit entre ta véritable croyance et les idoles aujourd'hui qui existent. Donc c'est juste ces camps en réalité. Mais l'islam de France est un mensonge. Wallahi, c'est un des plus grands mensonges aujourd'hui. Et moi je le dis honnêtement, j'en veux à beaucoup d'associations, présidents de mosquées, gens qui gèrent, etc., qui ne donnent pas la parole aux gens qui disent ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce qu'on est entré en alliance avec les autorités. On ferme la mosquée si on refuse de mettre dehors ce type de prédicateur. Donc ça, c'est un appel clair aux associations. Attention à ne pas faire ce que font beaucoup, c'est-à-dire à élaguer aujourd'hui, c'est pas l'auditoire, mais ceux qui parlent, hein, à élaguer tout celui qui pourrait être, selon la grille de lecture occidentale, un radical ou autre. Je dis haut et fort que le prophète aujourd'hui serait taxé de radical, d'extrémiste, etc. s'il était présent parmi nous. Car il s'attaquerait directement aux idoles existantes aujourd'hui qui sont incompatibles avec la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et notamment la démocratie, la laïcité, etc. Donc c'est important. Aujourd'hui, ils ont même mis sur beaucoup de personnes qui tiennent des associations. On les muselle. Vous voulez un petit carré musulman? Vous voulez qu'on vous donne une mosquée bien grande avec jlige et tout? Voilà. Vous parlez d'odo, vous parlez de salat, vous parlez de ceci, vous parlez de cela. Mais le conflit, non. On ne veut pas le conflit réel là, il ne faut pas qu'il ait lieu. Et ça aujourd'hui, et là, c'est ici comme ailleurs, c'est pas qu'en France. Donc soit tu entres comme tu peux, c'est pas par des discours parfois comme ça, mais par tes enfants. Tes enfants, tu leur apprends l'amour de la sharia. Tu leur apprends l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Et plus tu vas leur apprendre l'amour de Mohammed alayhi salatu wassalam, plus les mécréants vont te faire gravir des étapes. Étape numéro 1, tu vas leur apprendre. Tu vas leur apprendre le Muhammad Rasulullah de l'islam des Lumières. Il n'y a aucun clash. Ces gens-là sont passe-partout. Ramadan, Oubrou, Ghalib Ben Cheikh, ils peuvent aller n'importe où. Il y a de l'alcool sur la table, leur Mohammed Rasoulallah n'intervient pas. On se moque du prophète, leur Mohammed Rasoulallah n'intervient pas. Donc, y a-t-il conflit à des moments? Jamais. Donc ça, c'est le « La ilaha illallah Mohammed Rasoulallah » a créé. Mais c'est une disparition en réalité de celui-ci. Il y a une étape supérieure. C'est beaucoup de frères, vous voyez, Kamiskour, Lihya et tout ça, et Kufr Duna Kufr. Eux, c'est à quel moment? Eux, déjà, on leur donne une étiquette. Laquelle? C'est des littéralistes, hein? Ils sont quand même radicaux, mais on les appelle cheikhistes ou je ne sais quoi, quiétistes. Voilà, c'est la tranquillité. Il n'y a pas de clash. Il met son kamis court, sa femme elle a le niqab, ça nous dérange quand même, parce que c'est, ça va à l'encontre de Marianne, Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu. Mais, bon, ça reste. Lui, il ne contamine pas, lui. Il ne contamine pas. Mais déjà, ce niveau de concrétisation de Mohammed Rasulullah dérange l'opinion. Mais ce n'est pas ceux qui sont vraiment en ligne de mire. Après, il y a une autre concrétisation de Mohammed Rasulullah qui est essayer de concrétiser Mohammed Rasulullah par le politique. Et ça, c'est une des parties des Ikhwan Muslimin. Et pas tous. Mais ils sont trompés. Ils ont mal réglé le GPS et ils sont passés par les urnes. Et ils ont pris pour la première fois de l'histoire de l'humanité le pouvoir par les urnes. Il est en prison. Il est en prison. Donc, ce n'est pas le chemin. Catégorie supérieure. Catégorie supérieure. Et ça, c'est celle du prophète alayhi salatu wassalam. C'est ceux qui prêchent à Mohammed Rasulullah par deux choses. Le ilm, et quand on dit ilm, c'est en mettant le doigt là où ça fait mal. Pas que là, il parle du bon comportement, il parle de la salat, il parle du tayammum, il parle de comment commercer. Mais avant tout ça, il parle de la première chose à laquelle tu dois les appeler, c'est le tawhid. La ilaha illallah Muhammad Rasul. S'il t'obéit à cela, alors informe-les. Ça, certains le font, et après il y a là. Et là, c'est là où ça devient extrêmement... Donc là, vous avez compris. Le deuxième, après la langue, il y a autre chose. Et ici, aujourd'hui, il y a hélas... Parce qu'attention, ça prend du terrain, mes frères. Et tu pourras être un jour parmi ces gens-là qui les condamnent. Attention si ton contexte ne te permet que de combattre sur le ring par la langue. Le contexte d'un autre qui a vu sa femme se faire violer par 200 Nusayri. Ils lui ont fait une tournante, sa femme, sa mère, sa grand-mère. Et ils ont décapité devant lui son bébé. Attention à ne pas traiter cette personne-là de personne qui est extrémiste, terroriste ou je ne sais quoi, comme veulent faire croire cela les mécréants. Eux, ils ont mis de manière claire le trait de la mécréance, mais ne tombe pas dans le piège de ceux qui ont le trait islam mais qui sont avec les koufars et qui veulent nous faire croire que ces gens-là, ce qu'ils font, c'est condamnable et tout. Attention à ne pas entrer là-dedans. Ce dans quoi la majorité des présidents de mosquées, des associations, etc. Certes, le contexte ne nous permet pas de parler de ça, et je n'en parlerai pas si jamais certains munafiqis ne nous poussaient pas à parler de cela. Mais aujourd'hui, on est obligé. On peut plus. Parce qu'aujourd'hui, les musulmans détestent le jihad. Aujourd'hui, les musulmans détestent la sharia. Ce ne sont plus des musulmans, mais ils se pensent musulmans. Ils ont fait le hajj. Ils mettent le hijab. Ils lisent est-ce que c'est du AVS ou pas du AVS. Ils regardent est-ce qu'il y a du E471. Il y a E471, ils posent. Graisse animale, ils n'achètent pas. Graisse animale, ils achètent. Et ils sont koufars. Car ils détestent le char'a. Ils disent couper la main du voleur, c'est de la sauvagerie. Lapider, c'est inhumain. Et ça, c'est clair. Et le béaba, aujourd'hui, on est obligé de l'extérioriser, alors que normalement, on ne devrait pas. Mais c'est à cause de certains hypocrites. C'est à cause de certains hypocrites. Donc, on s'arrête là. Wallah, a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.